Chant numéro 22. Frappé par la stupeur, je m'étais retourné vers mon guide, semblable à quelque enfant qui court vers quelque ami qui sait gagner sa confiance. Elle, comme la mère arrive sans tarder pour secourir son fils tout pâle et haletant, de sa voix qui lui porte un peu de réconfort, elle dit « Souviens-toi, nous sommes dans le ciel. Ne sais-tu pas qu'ici, dans le ciel, tout est saint et que ce qui s'y fait obéit aux bons ailes ? Tu conçois maintenant à quel point mon sourire, de même que le chant, pouvait t'abasourdir, puisque ce cri suffit pour t'ébranler si fort. Mais si tu comprenais ce que dit sa prière, tu connaîtrais déjà la vengeance imminente qu'il te sera donné de voir avant ta mort. Le glaive de là-haut ne frappe ni trop vite ni trop tard, si ce n'est du point de vue humain, car pour vous seul, l'attente est la crainte ou l'espoir. Tourne-toi maintenant vers ces autres esprits, car tu pourras en voir un grand nombre d'illustres si tu veux regarder à l'endroit que je dis. » Comme elle le voulait, je dirigeai mes yeux, et je vis d'un côté 100 globes réunis, qu'embellissait l'éclat des rayons échangés. Je restais devant eux comme celui qui rentre la pointe du désir et n'ose pas poser toujours des questions, de crainte d'excéder. Mais la plus importante entre ces marguerites et la plus lumineuse arriva jusqu'à moi pour contenter ma soif de savoir qui c'était. J'entendis dans son sein dire « Si tu voyais l'amour qui nous éprend tous comme je le vois, tu nous dirais déjà le fond de ta pensée. Mais pour que ton attente à la fin où tu montes n'apporte aucun retard, je répondrai de suite à ce même pensée que tu veux refouler. Le sommet de ce mont qui porte sur son flanc le couvent de Cassin fut fréquenté jadis par les gens d'autrefois, aveuglés et pervers. Je suis l'homme qui fit pour la première fois y résonner le nom de celui qui sur terre fit descendre le vrai qui nous sublime ici. Une si grande grâce a rayonné sur moi que j'ai pu retirer les villes d'alentour hors de ce culte impie et qui trompait le monde. Quant à ces autres feux, ils furent tous des hommes contemplatifs, brûlant de cette passion, seule source à donner des fleurs et des fruits sains. Tu peux y voir Macaire et avec Romuald, mes frères, qui jadis à l'ombre du couvent arrêtèrent leurs pas d'un cœur toujours content. Je répondis, l'amour que tu m'as témoigné en me parlant ainsi, comme le bon semblant que j'observe et je vois dans toutes vos ardeurs, a fait s'épanouir ma propre confiance comme rosée au soleil, lorsqu'il la fait s'ouvrir autant qu'il est donné de fleurir et d'éclore. C'est pourquoi je te prie, ô mon Père, dis-moi si je puis obtenir une faveur si grande que de te contempler à face découverte. Frère, répondit-il, ton désir si louable se verra satisfait dans la sphère dernière, de même que le mien et ceux de tous les autres. N'importe quel désir devient là-haut parfait, entier et accompli. C'est là-haut seulement qu'on voit chaque élément à sa place éternelle. Cette sphère n'est pas dans un lieu sous un pôle, et cette échelle-ci monte jusqu'à son centre. Et c'est ce qui l'a fait se perdre ainsi de vue. Jacob le patriarche a vu qu'elle poussait par l'un de ses deux bouts jusqu'au ciel de là-haut, alors qu'il l'aperçut toute d'anges chargés. Personne maintenant ne détache ces plantes du sol pour la gravir. jusqu'à ma propre règle qui ne sert aujourd'hui qu'à noircir du papier. Les murs où des couvents s'abritaient autrefois sont changés en repères, et les frocs de leurs moines sont comme autant de sacs de farine gâtée. Et pratiquer l'usure est un péché moins grave contre la loi de Dieu que l'amour de ses rentes qui fait de chaque moine un nouveau forcené. Car les biens que détient l'Église n'appartiennent qu'aux pauvres qui demandent au nom de Dieu son pain, et non pas aux parents, ni moins à d'autres pires. Mais la chair des mortels devient si délicate qu'un bon commencement n'assure plus là-bas que tout ce qui n'est chêne un jour fera des glands. Pierre avait commencé sans or et sans argent. Moi-même, je l'ai fait par jeûne et prière. François édifia son couvent humblement. Pourtant, à regarder les débuts de nos ordres et à les comparer à leur point d'arrivée, tu verrais que le blanc tourne à présent au noir. Cependant, le Jourdain, remontant vers sa source, la mer se retirant sur un signe de Dieu, serait moins merveilleux qu'un remède à ses maux. Ainsi me parla-t-il. Puis il alla rejoindre ses autres compagnons qui s'étaient rassemblés, et comme un tourbillon, ils montèrent au ciel. Douce dame alors me poussa derrière eux, vers le haut de l'échelle, avec un simple geste, tellement son pouvoir subjuguait ma nature. Chez nous, où l'on descend et monte avec effort et naturellement, on n'a jamais pu voir une allure pareille à celle de Monel. Puissais-je retrouver au lecteur ce triomphe dévot qui si souvent m'oblige à déplorer mes erreurs et frapper en pleurant ma poitrine, s'il est vrai que j'ai pu, moins vite qu'on ne met et tire un doigt du feu, reconnaître et atteindre en même temps le signe au-dessus du taureau. Astre resplendissant, lumière qui produit les plus grandes vertus, à qui je reconnais que je dois, tel qu'il est, peu ou prou mon génie. Avec vous se levait et se couchait aussi celui qui sert de source à toute vie au monde, quand j'ai bu d'air toscan la première gorgée. Et puis, lorsque j'ai pu jouir du privilège de pénétrer au cercle où vous roulez au teint, c'est votre région qui me fut impartie, et c'est vers vous que monte à présent de mon âme le soupir recueilli pour acquérir la force d'affronter l'examen qui paraît l'appeler. Tu te trouves si près du suprême salut qu'il te faut à présent, commença Béatrice, avoir l'œil plus perçant et plus clair que jamais. Pour cela, dès avant de te confondre en lui, regarde vers le bas et vois comment le monde se trouve, grâce à moi, rejeté sous tes pieds. Et d'un cœur plus joyeux qu'il ne le fut jamais, tu te présenteras devant la sainte foule qui traverse gaiement cette sphère éthérée. Je plongeai mon regard à travers les sept sphères, du haut jusqu'au fond, et j'aperçus ce globe tel qu'il me fit sourire avec son vil aspect. J'approuve, pour ma part, comme meilleure la vie qu'il estime le moins. Celui qui le méprise mérite assurément qu'on le tienne pour sage. La fille de Laton apparut en plein jour, sans cette tache d'ombre à cause de laquelle je la croyais d'abord rare et dense à la fois. Et l'aspect de ton fils me devint supportable, Hyperion. Je vis Maïa, Dionée, les vôtres tournoyer tout près autour de lui. Plus loin, entre le père et le fils, au milieu, j'aperçus Jupiter. Et je vis clairement la variation de leur déplacement. Là, j'ai pu contempler toutes les sept planètes, connaître leur grandeur, combien elles vont vite, comment chacune occupe une maison à part. Cette terre si mesquine et qui nous rend féroces m'apparut en entier, pendant que m'emportaient les gémeaux éternels, des sommets aux rivages. Et puis, sur les beaux yeux, je reposais mes yeux.